Boy. J'achète voiture full option. J'achète voiture full option. Je me permets, c'est moi le boss. Je finance baraque à ma daronne. 18 balais déjà bas. Je vois rien, je bombarde, j'ai mode sport. J'avance tout droit, j'ai pas tort. J'encaisse calabre de gauche à droite. Aucune arnaque dans les sports. Je reviens, je mets les gens d'accord. Jamais toqué à vos bords. J'accepte que les vrais bonhommes. Aucune pétasse monte à bord. Force à ceux qui pensent qu'on dort. Chaque album, je deviens plus fort. Chacun son job, j'appelle Bécane qui tient Rafa, les dons d'or. Hargneux dès que j'ai connu le bloc. Jamais chier dans mon froid. Fonce dès le soir, j'parle au club. Qui me dit on fait qui tu veux. Descendre bizarre étant petit, chasse à l'homme et sauf qui peut. El Miskina, toutes les perquises entre ville, si mec en bleu. Tire-toi précis comme tu peux. J'ai du liquide, je connais ceux qui vont te manger si tu fautes. Qui vont te monter dans les yeux. Je rentre de concert, c'était le spell. L'œuf du poker dans les yeux. Je fais pas semblant, je suis mieux qu'eux. Si tu le sais pas, vérifie. Si t'es bizarre, la sortie. Si t'es éteint par les Schmitt, moi je suis très loin, je suis l'artiste, crie Arthena, c'est Gerby. Si tu le sais pas, vérifie. Si t'es bizarre, la sortie.